Chapitre 5. Ce n'était pas que je m'attendisse à ce que les choses en restent à ça, car j'étais hors de moi-même aussi bien qu'ému. Y avait-il un secret à Bly, un mystère du Dolph ou quelques parents aliénés ou scandaleux séquestrés dans une cachette insoupçonnée? Je ne saurais dire combien de temps, partagé entre la curiosité et la terreur, je demeurais là où le coup m'avait été porté. Je me rappelle seulement que lorsque je rentrais dans la maison, la nuit était tout à fait venue. Dans l'intervalle, j'avais certainement été la proie d'une agitation qui m'avait entraînée à mon insu, car j'avais dû faire 3 miles en tournant presque sur place. Je devais plus tard connaître des angoisses tellement pires que je puis dire que mon inquiétude, elle n'en était ce jour-là qu'à son aurore, ne me causait qu'un frisson tout humain. Ce qu'il y avait de plus bizarre dans mon inquiétude, d'ailleurs l'aventure entière l'avait été, me fut révélé quand je rencontrai Mrs. Gross dans le hall. Dans le flot de mes souvenirs, cette image revient. L'impression que je reçus à mon retour de ce lieu brillamment éclairé, si vaste avec ses panneaux blancs, ses portraits et son tapis rouge, et du bon regard détonné de mon ami qui me dit immédiatement que je lui avais beaucoup manqué. À son contact, je me sentis intimement persuadée que dans sa simple cordialité, elle avait éprouvé une inquiétude très naturelle qui s'apaisa à ma vue et ne savait absolument rien qui eût un rapport quelconque avec l'incident que je tenais là, tout prêt pour elle. Je n'avais pas prévu que sa bonne figure me remettrait d'aplomb, et je mesurais en quelque sorte la gravité de ce que j'avais vu à l'hésitation que j'éprouvais à le raconter. Presque rien dans toute cette histoire ne me paraît si singulier que mon double sentiment d'alors. Une sensation de vraie peur qui commençait à m'envahir, marchant de pair, si je puis dire, avec l'instinct d'épargner ma compagne. En conséquence, là sur le champ, dans ce hall accueillant et sous son regard, il s'accomplit en moi, pour une raison que j'eusse été alors bien en peine d'exprimer, une révolution intérieure. Je donnai un vague prétexte à mon regard, et invoquant la beauté de la nuit, l'abondante rosée et mes pieds mouillés, je m'en allai aussi vite que possible dans ma chambre. Là ce fut une autre affaire. Là, pendant bien des jours, ce fut une assez drôle d'affaire. Il me fallait quotidiennement, à certaines heures, du moins à certains moments, et cela au détriment de mes devoirs les plus élémentaires, il me fallait aller m'enfermer dans ma chambre pour y réfléchir. Ce n'était pas tant que mon état nerveux excéda ma force de résistance, mais j'éprouvais une crainte extrême d'en arriver là, car la vérité, qu'il me fallait maintenant contempler sous toutes ses faces, était simplement et clairement que je ne pouvais en aucune façon identifier le visiteur avec lequel j'étais entré en rapport d'une façon si inexplicable et cependant à ce qu'il me semblait si intime. Je m'étais vite rendu compte qu'il ne me serait pas difficile de percer à jour une intrigue domestique sans même mener d'enquête formelle, sans éveiller de soupçons. Le choc que j'avais subi avait dû aiguiser mes facultés. Au bout de 3 jours, après avoir simplement observé les choses de plus près, je fus convaincu que les domestiques ne m'avaient ni trompé ni prise pour but d'une plaisanterie, et que quel que pût être celui dont je savais l'existence, rien n'en était connu autour de moi. Une seule conclusion raisonnable s'imposait. Quelqu'un avait pris ici une liberté presque monstrueuse. C'était cela que j'allais me répéter dans ma chambre quand j'y courais irrésistiblement m'y enfermer à clé un instant. Tous collectivement, nous avions subi l'invasion d'un intrus. Quelques voyageurs sans scrupules, curieux de vieilles bâtisses, avaient pénétré ici et inaperçus étaient montés jouir de la vue, de l'endroit le plus favorable, et repartis comme il était venu. S'ils m'avaient dévisagé si froidement et si audacieusement, cela faisait partie de ses mauvaises manières. Après tout, le bon côté de cette affaire était qu'on ne le reverrait jamais. Là était évidemment le bon côté des choses, mais ce ne l'était pas assez pour m'empêcher de reconnaître que ce qui, par-dessus tout, rejetait le reste dans l'ombre, était le charme extrême de ma tâche. Car ma tâche charmante était de vivre avec Miles et Flora, et rien ne pouvait me la faire aimer davantage que de sentir que, plus je m'y donnais, plus j'échappais à mon souci. La séduction de mes petits élèves m'était une joie perpétuelle, et elle suscitait constamment en moi un étonnement nouveau quand je me ressouvenais de mes vaines craintes du début, du dégoût que m'avait d'abord inspiré ma situation avec ses grises et prosaïques probabilités. Mais il ne devait y avoir ni prose grise, ni meule à tourner. Comment un travail n'aurait-il pas été charmant qui se présentait comme une œuvre de quotidienne beauté? C'était tout le romanesque de l'enfance, toute la poésie des salles d'études. Je ne veux pas, bien entendu, dire par là que nous n'étudions que vers et que fiction. Je veux dire qu'il n'y a point d'autre terme pour exprimer le genre d'intérêt que m'inspiraient mes compagnons. Comment décrire cela, sinon en disant qu'au lieu de tomber auprès d'eux dans la mortelle monotonie de l'accoutumance, et quel prodige chez une institutrice, j'en appelle à la confrérie, je faisais de perpétuelles découvertes. Évidemment, il y avait une direction où mes pas s'arrêtaient. Une profonde obscurité continuait de s'étendre sur la région du séjour au collège. Je l'avais déjà dit, j'avais dès la première heure reçu la grâce de pouvoir envisager le mystère sans angoisse. Il serait peut-être plus près de la vérité de dire que l'enfant lui-même, sans prononcer une parole, avait tout éclairci. Il avait ramené l'accusation à l'absurde, et mes conclusions pouvaient s'épanouir à l'aise, et aussi son innocence couleur de rose. Il n'était que trop délicat et trop loyal pour le vilain petit monde malpropre des collèges, et il l'avait payé cher. J'avais fait la même réflexion que de donner la sensation d'une individualité différente des autres, de se montrer d'une qualité supérieure, finit toujours par provoquer une vengeance de la majorité, qui peut même comprendre des directeurs de collège s'ils sont stupides et intéressés. Ces enfants possédaient tous deux une douceur. C'était leur seul défaut qui les rendait, comment pourrais-je dire, presque impersonnels et certainement impossibles à punir. Ils étaient, moralement du moins, comme ces chérubins de l'anecdote où il n'y avait rien à fouetter. Je me rappelle tout particulièrement avoir eu de Miles l'impression qu'il ne lui était jamais arrivé la plus infinitésimale histoire. Nous n'attendons d'un enfant que peu d'antécédents, mais il y avait chez ce ravissant petit garçon quelque chose d'extraordinairement sensible et en même temps d'extraordinairement heureux qui me frappait, plus qu'en aucune autre créature de son âge que j'ai jamais rencontrée, comme renaissant de nouveau chaque matin. Non, il n'avait jamais souffert, fût-ce une seconde. C'était pour moi une preuve positive à opposer à l'idée qu'un châtiment réel lui eût jamais été infligé. S'il s'était mal conduit, il aurait été sérieusement attrapé, et moi aussi, par contre-coup, j'aurais retrouvé la trace, j'aurais senti la blessure et le déshonneur. Mais je ne pouvais rien reconstituer du tout, donc c'était un ange. Il ne parlait jamais de son collège, ne citait jamais un maître ou un camarade, et moi, de mon côté, j'étais trop dégoûtée de tout cela pour y faire la moindre allusion. Évidemment, j'étais sous le charme et le merveilleux de l'affaire et que je savais parfaitement, même à ce moment-là, que je l'étais. Mais je m'y abandonnais. C'était un antidote à la souffrance et j'en avais de plus d'une sorte. Je recevais alors de chez moi des lettres inquiétantes. Tout n'y marchait pas bien. Mais auprès de la joie que mettaient mes enfants, quelque chose m'importait au monde? C'était la question que je me posais pendant mes hâtives retraites. J'étais éblouie, enivrée de leur beauté. Un certain dimanche, il faut avancer tout de même, la pluie tomba si fort et si longtemps que nous ne pûmes, comme d'habitude, nous rendre processionnellement à l'église. Aussi, comme le jour s'avançait, je convins avec Mrs. Groves que si le temps s'embellissait, nous irions ensemble à l'office du soir. La pluie cessa heureusement et je me préparai pour notre promenade qui, à travers le parc et par la grande route jusqu'au village, était l'affaire de 20 minutes. Comme je descendais pour rejoindre ma collègue dans le hall, je me souvins d'une paire de gants qui avait eu besoin de quelques points et les avait reçus avec une publicité peu édifiante peut-être, tandis que j'étais assise à leur thé avec les enfants. On le servait le dimanche par exception, dans ce temple net et froid, en cuivre et en acajou, qu'était la salle à manger des grandes personnes. C'était là que j'avais laissé tomber mes gants et j'y retournais les prendre. Quoique le jour fût assez gris, la lumière de l'après-midi n'était pas disparue et me permit, en passant le seuil, non seulement de reconnaître sur une chaise, près de la grande fenêtre alors fermée, l'objet que je cherchais, mais de percevoir, de l'autre côté de cette fenêtre, une personne qui regardait droit dans la pièce. Un seul pas dans la chambre me suffit. La vision fut instantanée, tout y était. La personne qui regardait droit dans la pièce était celle qui m'était déjà apparue. Ainsi, il m'apparaissait de nouveau avec, je ne peux pas dire plus de netteté, c'était impossible, mais avec une proximité qui dénotait un progrès dans nos rapports. Devant cette rencontre, je perdis la respiration, je me sentis glacé de la tête aux pieds. Il était le même, il était tout le même, et cette fois encore, je ne le voyais qu'à partir de la taille. Car bien que la salle à manger fût au rez-de-chaussée, la fenêtre ne descendait pas jusqu'à la terrasse sur laquelle il se tenait. Son visage était contre la vitre, je le voyais donc bien mieux. L'étrange effet, pourtant, de ce second coup d'œil, fut de me faire surtout sentir combien le premier avait été intense. Il ne resta que quelques secondes, assez pour me convaincre que lui aussi m'avait vu et reconnu. Pour moi, c'était comme si j'avais passé des années à le regarder, comme si je l'avais toujours connu. Quelque chose cependant arriva qui ne s'était pas produit l'autre fois. Son regard, appuyé sur moi à travers la vitre et du bout de la chambre, était bien aussi profond, aussi fixe qu'alors, mais il me quitta un instant, pendant lequel je pus le suivre et le voir se poser successivement sur plusieurs objets. Sur le champ, le choc d'une certitude foudroyante vint s'ajouter à mon angoisse. Ce n'était pas pour moi qu'il était là, il était venu pour quelqu'un d'autre. Cette conviction, qui me traversa comme un éclair, car c'était bien une conviction, bien que troublée par l'angoisse, produisit en moi le plus singulier effet. Une vibration soudaine de courage, de devoir accompli, m'ébranla tout entière. Je dis courage, car indubitablement je ne me possédais déjà plus. Je bondis hors de la salle à manger, gagnai la porte d'entrée de la maison, et en un instant je fus dehors. Longeant la terrasse en courant aussi vite que je le pouvais, je tournai le coin et embrassai toute la façade d'un coup d'œil. Mais le coup d'œil ne me révéla rien. Mon visiteur s'était évanoui. Je m'arrêtai net. Dans mon soulagement, je tombai presque par terre. Mais toute la scène me demeurait présente. J'attendais, lui donnant le temps de réapparaître. Du temps, dis-je, mais combien de temps? Je ne peux vraiment pas, aujourd'hui, évaluer avec exactitude la durée de ces événements. Sans doute j'avais alors perdu la notion de la mesure. Ils n'ont pu durer le temps qu'ils m'ont semblé durer. La terrasse et tout ce qui l'entourait, la pelouse et le jardin, tout ce que je pouvais voir du parc était vide, d'un vide immense. Il y avait des taillis et de grands arbres, mais je me rappelle ma certitude intérieure bien nette qu'il n'y était point caché. Il était ici ou nulle part. Si je ne le voyais pas, c'est qu'il n'était pas là. Je m'attachai énergiquement à cette idée, puis instinctivement, au lieu de retourner comme j'étais venu, j'allai à la fenêtre. Je sentais confusément qu'il fallait aller me placer là même où il s'était mis. Je le fis. J'appuyai mon visage contre la vitre et regardai comme lui dans la chambre. Juste à ce moment, comme pour me faire juger quelle avait été la portée de son regard, Mrs. Groves, ainsi que j'avais fait, entra venant du hall. J'eus ainsi la répétition parfaite de la scène qui s'était passée. Elle me vit comme j'avais vu mon propre visiteur. Elle s'arrêta net comme j'avais fait. Je lui faisais éprouver quelque chose comme le choc qui m'avait frappé moi-même. Bref, elle regarda de tous ses yeux, puis se retira, exactement comme moi, et je compris qu'elle sortait de la maison pour me rejoindre et que j'allais la voir. Je demeurai là où je me trouvais, et tandis que je l'attendais, plus d'une pensée me traversa l'esprit. Mais je n'en veux citer qu'une. Je me demandais pourquoi elle aussi était bouleversée. Chapitre 6. Oh, elle me renseigna aussitôt qu'elle émergea, à mes yeux, au coin de la maison. Qu'est-il arrivé au nom du ciel? Elle était toute rouge et hors d'haleine. Je ne dis rien avant qu'elle ne fût tout près. Arrivée à moi? Sans doute j'avais une figure extraordinaire. Cela se voit-il? Mais vous êtes pâle comme un linge, effrayante à voir. Je réfléchis. Je pouvais sans scrupule, avec un tel prétexte, affronter l'innocence la plus intacte. Mrs. Groves, dans toute la fleur de la sienne, ne pouvait plus compter sur mon désir de la respecter. Ce sentiment avait glissé comme un manteau de mes épaules sans qu'un froissement de ses plis donnât l'éveil. Et si j'hésitais un instant, ce ne fut pas avec l'idée de cacher ce que je savais. Je lui tendis la main, elle la prit. Je m'y cramponnai, me plaisant à la sentir près de moi. Ce fut une espèce de soutien pour moi que le soupir timide exhalé par sa surprise. « Vous venez me prendre pour aller à l'église, mais je ne puis y aller. Est-il arrivé quelque chose ?»« Oui, il faut maintenant que vous le sachiez. Avais-je l'air très bizarre ?»« Derrière la vitre, oh, vous étiez effrayante. »« Voilà, dis-je, c'est que j'ai été effrayée. » Les yeux de Mrs. Groves exprimèrent clairement qu'elle n'avait aucune idée de l'être à son tour, mais que néanmoins, elle savait trop bien les obligations de son service pour se déroger au partage avec moi de quelque ennui que ce fût. Oh oui, c'était bien son intention qu'elle le partagea. C'est à cela qu'est due mon émotion, mon bouleversement, ce que vous avez vu, enfin, tout à l'heure, en me regardant de la salle à manger. Mais ce que j'ai vu, moi, immédiatement avant, était bien pis. Sa main me serra plus fort. Qu'est-ce que c'était ? Un homme extraordinaire qui regardait. Quel homme extraordinaire ? Je n'en ai pas la moindre idée. Mrs. Groves jeta vainement les yeux autour d'elle. Alors, où est-il allé ? Je le sais encore moins. L'avez-vous vu déjà ? Oui, une fois, sur la vieille route. Elle me regarda encore plus fixement. Vous voulez dire que c'est un inconnu ? Oh, absolument. Et cependant, vous ne m'en avez rien dit ? « Non, pour des raisons, mais maintenant que vous avez deviné... » Les yeux ronds de Mrs. Groves supportèrent sans ciller cette affirmation. « Ah, mais je n'ai pas deviné, dit-elle très simplement. Comment le pourrais-je, si vous-même n'imaginez pas ? Non, je ne puis rien imaginer du tout. Et vous ne l'avez jamais vu ailleurs que sur la tour ? Et tout à l'heure, là où nous sommes ?» Mrs. Groves regarda de nouveau autour d'elle. « Que faisait-il sur la tour ?» Rien que s'y tenir et me regarder en bas. Elle réfléchit un instant. Est-ce un gentleman ? Je n'eus pas besoin de réfléchir, ce me semble. Oh non ! Elle me considérait avec une stupeur croissante. Alors, ce n'est pas non plus personne de la maison, personne du village. Personne, personne, je ne vous en ai pas parlé, mais je m'en suis assurée. Elle respira vaguement soulagée. Chose singulière, cela valait donc mieux, guère mieux pourtant. S'il n'est pas un gentleman, ce qu'il est, une abomination. Une abomination ? Il est, Dieu me pardonne si je sais ce qu'il est. Et une fois de plus, Mrs. Groves regarda autour d'elle. Elle fixa les yeux sur le lointain qui s'obscurcissait, puis revenant à elle, se tourna vers moi avec une totale inconséquence. Il est temps d'aller à l'église. « Oh, je suis incapable d'aller à l'église. Cela ne vous fera-t-il pas du bien ?»« Cela ne leur en fera pas. » Et d'un signe de tête, j'indiquai la maison. « Aux enfants ? Je ne puis les quitter maintenant. Vous avez peur ?» Je répondis hardiment. « J'ai peur de lui. » Sur le visage de Mrs. Groves apparut, pour la première fois, la lointaine et faible lueur d'une intelligence qui s'éveillait. Il en surgit pour moi-même comme l'aube retardée d'une idée qui ne lui venait pas de moi et qui d'ailleurs me demeurait encore tout obscure. Je me rappelle avoir pensé immédiatement qu'il y avait là quelque chose dont je pourrais tirer parti et que c'était lié à ce désir qu'elle montra aussitôt d'en savoir davantage. Quand cela se passa-t-il sur la tour ? Vers le milieu de ce mois, à la même heure. Presque à la nuit? Oh non, loin de là, je le voyais comme je vous vois. Alors comment a-t-il pu s'introduire? Et comment a-t-il pu s'en aller? Je me mis à rire. Je n'ai pas eu l'occasion de le lui demander. Ce soir, vous voyez, il n'a pas su s'introduire. Il ne fait que regarder? J'espère qu'il en restera là. Elle avait lâché la main. Elle se détourna un peu. J'attendis un instant, puis je déclarai. « Allez à l'église, adieu, moi je dois veiller. » Elle se tourna lentement vers moi. « Craignez-vous quelque chose pour eux ?» De nouveau, nous échangeâmes un long regard. « Pas vous ?» Au lieu de me répondre, elle s'approcha de la fenêtre et appliqua son visage contre la vitre. « Voilà comment ils pouvaient voir, continuai-je. » Elle ne bougea pas, mais « Combien de temps est-il resté ?» me demanda-t-elle. « Jusqu'à ce que j'arrive ici, j'étais sortie pour aller le trouver. » Mrs. Grove se retourna enfin. Son visage était de plus en plus expressif. « Je n'aurais pas pu sortir. »« Moi non plus, et je me mis à rire, si je n'avais pas eu mon devoir à remplir. »« J'ai aussi le mien, » répliqua-t-elle. Puis elle ajouta. « À quoi ressemble-t-il ? » « Je meurs d'envie de vous le dire, mais comment faire ? Il ne ressemble à personne. » « À personne ? » répéta-t-elle. « Il ne porte pas de chapeau. » En voyant à sa figure que déjà à ceci, elle reconnaissait, avec une émotion croissante, un signe caractéristique, j'ajoutai rapidement au portrait touche après touche. Il a les cheveux roux, frisés serrés, et un visage pâle, avec des traits réguliers et droits, et de petits favoris assez bizarres, roux comme ses cheveux. Les sourcils sont un peu plus foncés. Ils sont particulièrement arqués et paraissent très mobiles. Les yeux sont pénétrants, étranges, horriblement étranges. Mais tout ce que je puis affirmer, c'est qu'ils sont plutôt petits et très fixes. Sa bouche est grande et ses lèvres minces. Et à l'exception des petits favoris, il est entièrement rasé. Il me donne un peu l'impression de ressembler à un acteur. À un acteur ? Il était, en tout cas, impossible de moins ressembler à l'un d'eux que Mrs. Groves à ce moment. Je n'en ai jamais vu, mais je suppose qu'ils sont comme ça. Il est grand, souple, droit, continuai-je, mais un gentleman, oh, cela jamais. La figure de ma compagne, tandis que je parlais, était devenue toute blanche. Ses yeux ronds battirent, et sa bouche s'ouvrit tout grand. « Un gentleman ? » balbutiait-elle, confondue, stupéfaite. « Lui, un gentleman ? Vous le connaissez donc ?» Elle essaya visiblement de se maîtriser. « Tout de même, il est beau ?» Je compris qu'il fallait l'encourager. « Remarquablement. »« Et habillé ? » ?»« Avec les vêtements d'un autre. Ils sont élégants, mais ce ne sont pas les siens. » Dans un souffle, elle laissa échapper un gémissement affirmatif. « Ce sont ceux de notre maître. » Je saisis la balle au bond. « Vous le connaissez donc ?» Elle défaillit, une seconde seulement. « Kint !» s'écria-t-elle. « Kint ? Peter Kint, son propre domestique, son valet de chambre quand il était ici. »« Quand notre maître était ici ?» Encore hors d'elle-même, mais désireuse de m'éclairer, elle accumulait les détails. Il ne portait jamais de chapeau, mais il portait, enfin plusieurs gilets ont disparu. Ils étaient ici tous deux l'année dernière, puis notre maître s'en alla et Kint resta, seul. Je suivais un peu haletante. Seul ? Seul avec nous, et comme d'une région plus profonde, elle tira ses mots, pour le service. Et qu'advint-il de lui ? Elle retarda si longtemps sa réponse que je me sentis de plus en plus gagnée par le sentiment du mystère. « Il partit aussi, » finit-elle par me dire. « Pour aller où ?» À ces mots, son expression devint tout à fait extraordinaire. « Dieu sait où ! Il est mort !»« Il est mort ?» Je poussai presque un hurlement. Elle semblait, pour ainsi dire, se carrer dans sa résolution, se planter fermement sur ses pieds pour mieux exprimer l'étrangeté du fait. « Oui, Monsieur Kint est mort !» Chapitre 7. Bien entendu, il nous fallut plus d'un entretien comme celui-ci pour nous pénétrer de ce que, avec quoi il nous fallait vivre de notre mieux désormais. Ma terrible réceptivité des visions du genre dont il a été donné de si saisissants exemples, et la connaissance, maintenant acquise par ma compagne, connaissance faite à la fois de consternation et de pitié, de cette réceptivité. Ce soir-là, après la révélation qui m'avait laissé prostré pendant près d'une heure, il n'y avait eu qu'un petit office de larmes, de vœux, de prières et de promesses, apogée d'une série de serments et d'engagements mutuels, directement issus de notre retraite à la salle d'études, où nous nous étions enfermés pour nous expliquer à fond. Le résultat de cette explication fut simplement de réduire la situation à l'extrême rigueur de ces éléments. Elle, pour son propre compte, n'avait rien vu, pas l'ombre d'une ombre, et en dehors de l'institutrice, personne dans la maison n'avait à subir l'épreuve. Cependant, sans paraître douter de ma raison, elle accepta la vérité telle que je la lui affirmai, et finalement, elle me témoigna en cette circonstance une tendresse mêlée de crainte, une déférence envers mon doux privilège dont le souffle léger demeure en ma mémoire comme la caresse de la plus exquise des charités humaines. Il fut donc ce soir-là définitivement admis entre nous que nous pensions pouvoir supporter ensemble ce que l'avenir nous réservait. Et je n'étais pas convaincue que sa part fût la meilleure, en dépit de son exemption du don fatal. Quant à moi, je crois bien que je savais alors, autant que je le sus plus tard, ce que j'étais de force à affronter pour la protection de mes élèves. Mais il me fallut quelque temps pour être tout à fait sûre que mon honnête compagne réalisait pleinement ce que pourrait exiger d'elle un engagement si formidable. J'étais pour elle une étrange société, aussi étrange que celle que je recevais moi-même. Mais revenant sur ces heures passées, je vois que nous trouvions grand réconfort à nous rejoindre sur un terrain commun, dans la seule idée qui, par une chance unique, pouvait nous apporter le calme. Cette idée, ce second mouvement me tirèrent, pour ainsi dire, hors de la chambre secrète de mon inquiétude. Je pouvais toujours aller prendre l'air dans la cour, et Mrs. Groves pouvait toujours m'y rejoindre. Je me rappelle parfaitement comment un peu de force me revint avant que nous nous séparassions pour la nuit. Nous nous étions dit et redit chaque trait de l'aventure. Il cherchait quelqu'un, dites-vous, quelqu'un qui n'était pas vous. Il cherchait le petit Miles. Une lumière prodigieuse m'inondait. Voilà ce qu'il cherchait. Mais comment le savez-vous? Je le sais, je le sais, je le sais. Mon exaltation croissait. Et vous le savez aussi, ma chère. Elle ne le nia point, mais je sentais que je n'avais même pas besoin de cette assurance. Un moment après, elle reprit. Et s'il le voyait? Le petit Miles, c'est ce qu'il désire? De nouveau, elle parut profondément bouleversée. L'enfant? Dieu nous en garde. Non, l'homme, il veut leur apparaître. Qu'il pût y arriver était une conception effroyable, et cependant, en une certaine façon, je pouvais l'annihiler. Ce que d'ailleurs, tandis que nous nous attardions là, je réussissais à prouver pratiquement. J'avais la certitude absolue que je reverrais encore ce que j'avais déjà vu, mais quelque chose en moi me disait qu'en m'offrant bravement comme seul sujet à cette expérience, en acceptant, en provoquant, en surmontant tout ce qui pouvait arriver, je servirai de victime expiatoire et préserverai la tranquillité de tous les autres membres du foyer. Pour les enfants en particulier, je parerai les coups et les sauverai complètement. Je me rappelle une des dernières choses que je dis à Mrs. Groves ce soir-là. Je suis frappée de ce fait que mes élèves ne parlent jamais. Elle me regarda fixement tandis que je m'arrêtais, pensive. De lui et du temps qu'il a passé ici avec eux, ni du temps qu'il a passé avec eux, ni de son nom, de sa présence, de son histoire en aucune façon. Ils n'y font jamais allusion. Oh, la petite demoiselle ne peut pas se rappeler. Elle n'a jamais rien vu, ni rien su. Des circonstances de sa mort? Je réfléchis avec une certaine intensité. Peut-être pas, mais Miles devrait s'en souvenir. Il devrait savoir. Ah, ne l'interrogez pas! Laissa échapper Mrs. Rose. Je lui rendis le regard qu'elle m'avait lancé. « N'ayez pas peur. » Je continuais à réfléchir. « C'est plutôt curieux. » qu'il n'ait jamais fait la moindre allusion. Vous me dites qu'ils étaient grands amis. Oh, pas lui, déclara Mrs. Groves avec intention. C'était le genre de quinte de jouer avec lui, je veux dire, de le gâter. Elle se tut un instant, puis ajouta. Quinte prenait trop de liberté. À ces mots, évoquant subitement une vision de son visage, de quel visage, j'éprouvai une nausée de dégoût. Des libertés avec mon garçon? Des libertés avec tout le monde. Pour le moment, je renonçai à analyser cette déclaration, et je me fis simplement la réflexion qu'elle pouvait s'appliquer à plusieurs membres de la maisonnée, à la demi-douzaine de servantes et de valets qui appartenaient encore à notre petite colonie. Mais il y avait pourtant un motif de crainte dans ce fait, en lui-même heureux, qu'aucune histoire gênante, aucune perturbation ancillaire n'avait, de mémoire d'homme, existé dans la bonne vieille demeure. Elle n'avait ni mauvais renom, ni réputation scandaleuse, et Mrs. Groves, bien évidemment, ne désirait que se cramponner à moi et frissonner en silence. Je la mis cependant à l'épreuve, au dernier moment de la journée. Il était minuit. Elle avait la main sur le bouton de la porte dans la salle d'études pour prendre congé. « Ainsi, vous m'assurez, c'est d'une très grande importance, que sa conduite était indiscutablement mauvaise et que c'était une chose admise. » « Oh, ce n'était pas une chose admise. Moi, je savais, mais pas notre maître. »« Et vous ne l'en avez jamais informé ?»« Eh bien, il n'aimait pas les rapporteurs, détestait les plaintes. Il coupait court à toutes les affaires de ce genre, et si on remplissait son devoir envers lui, il ne voulait pas être ennuyé avec le reste. » Ceci cadrait assez bien avec l'impression qu'il m'avait donnée. Ce n'était pas un monsieur à rechercher les tracas, et il n'était pas toujours très facile en ce qui concernait quelques personnes de son entourage. Tout de même, j'insistai auprès de mon informatrice. « Je vous réponds que je lui en aurais parlé, moi !» Elle sentit la justesse de cet avis. « J'ai eu tort, je ne dis pas, mais la vérité, c'est que j'avais peur. »« Peur de quoi ?»« Des choses que pouvait faire cet homme. Il était si habile, Kint, si ténébreux. » Ces mots me frappèrent plus que j'imagine. Je ne laissais paraître. « Vous n'aviez pas peur d'autre chose? Pas de son action ?»« De son action ?» répéta-t-elle avec anxiété et l'air d'attendre autre chose, tandis que je balbutiais. « De son action sur d'innocentes créatures, sur de précieuses petites existences. Elle vous était confiée ?»« Non, non, elle ne l'était pas, » répliqua-t-elle franchement et douloureusement. « Notre maître avait foi en lui et l'avait installé ici, » parce qu'on le croyait d'une mauvaise santé et que la campagne lui serait salutaire. Et ainsi, il disait son mot sur tout. Oui, elle l'avouait, même en ce qui les concernait. « Eux, cette créature ?» J'étouffai un cri d'horreur. « Et vous pouviez supporter cela ?»« Non, je ne le pouvais pas. Et même maintenant, je ne le puis pas. » Et la pauvre femme fondit en larmes. À partir du lendemain, ainsi que je l'ai dit, une surveillance rigoureuse les suivit partout. Néanmoins, combien de fois pendant cette semaine ne revînmes-nous pas passionnément sur ce sujet? Bien que nous l'eussions discuté à perte de vue ce dimanche soir, je fus encore hanté, surtout aux premières heures de la nuit, car l'on peut imaginer si je dormis, hanté du soupçon qu'elle ne m'avait pas tout dit. Pour ma part, je n'avais rien dissimulé, mais Mrs. Groves me cachait quelque chose. D'ailleurs, vers le matin, je me persuadai que ce n'était pas manque de franchise, mais parce que les périls nous environnaient. Oui, passant et repassant au crible toutes ces choses, il me semble que lorsque le soleil fut haut dans le ciel, j'avais dans mon trouble et mon agitation tiré des faits presque tout le sens que, plus tard, de plus cruelles circonstances devaient mettre en lumière. Ce que j'y voyais avant tout, c'était la sinistre figure de l'homme alors vivant. Le mort pouvait attendre, et des mois qu'il avait passés à Bligh. Additionné, il représentait un formidable total. Cette triste période ne s'était close qu'à l'aube d'un jour d'hiver, lorsque, sur la route, partant du village, Peter Kint, froid comme la pierre, fut trouvé par un laboureur qui se rendait au travail. La catastrophe fut expliquée, superficiellement du moins, par une blessure visible à la tête, blessure qui pouvait être produite et qui, d'après les témoignages, l'avait réellement été, par un fatal faux pas qu'une complète erreur sur le chemin à suivre lui avait fait faire la nuit en quittant le cabaret sur la pente raide couverte de glace au pied de laquelle il avait été trouvé gisant. La pente glacée, l'erreur de route commise après boire, expliquait bien des choses. Pratiquement, elles expliquèrent tout en fin de compte, après l'enquête et d'interminables bavardages. Mais dans sa vie, il y avait eu un tas de choses, d'étranges périls courus en d'étranges circonstances, de secrets désordres, des vices plus que soupçonnés qui auraient expliqué infiniment plus. Je sais à peine comment tirer de mon histoire un récit capable de faire comprendre mon état d'esprit. Durant cette période, je trouvais littéralement de la joie à m'abandonner à l'envolée héroïque que l'occasion exigeait de moi. Je voyais maintenant qu'un service difficile et admirable m'avait été demandé, qu'il y aurait quelque grandeur à monter, acquis de droit bien entendu, que je réussirais là où maintes hôtes auraient échoué. Ce me fut un immense secours. J'avoue que je m'en applaudis, que je porte mes regards en arrière, d'avoir envisagé si fortement et si simplement ma responsabilité. J'étais là pour protéger et pour défendre les petites créatures les plus abandonnées et les plus touchantes du monde, dont la faiblesse appelait à l'aide d'une façon trop explicite à mes yeux et demeurait une profonde et constante souffrance pour l'affection que je leur avais vouée. Ensemble, nous étions isolés du monde. Nous étions unis dans le même danger. Ils n'avaient que moi, et moi, eh bien moi, je les avais. En un mot, c'était une occasion magnifique. Cette occasion se présentait à moi sous une image essentiellement concrète. J'étais un écran. Il me fallait me tenir devant eux. Ils verraient d'autant moins de choses que j'en verrais davantage. Je me mis à les observer dans une attente étranglée, pour ainsi dire, une tension dissimulée qui aurait bien pu à la longue me conduire à la folie. Ce qui me sauva, je le vois maintenant, ce fut le tour différent que prirent les choses. L'attente ne dura pas. Elle fut remplacée par des preuves épouvantables. Des preuves, oui, je dis des preuves, qui m'apparurent telles à partir du moment où je réalisais pleinement la situation. Ce moment data d'une certaine heure d'après-midi que je passais dans les parterres avec seulement ma plus jeune élève. Nous avions laissé Miles à la maison, sur le coussin rouge d'une profonde embrasure de fenêtre. Il avait désiré finir son livre, et j'avais été fort heureusement d'encourager une disposition si louable chez un jeune homme dont le seul défaut était une certaine mobilité irrépressible. Sa sœur, au contraire, s'était montrée ravie de sortir, et je me promenais avec elle une demi-heure, recherchant l'ombre, car le soleil était encore haut et la journée exceptionnellement chaude. Je remarquai une fois de plus, tandis que nous allions, combien, comme son frère, et c'était un don charmant de ses deux enfants, elle savait me laisser à moi-même sans paraître m'abandonner et m'accompagner sans me gêner le moins du monde. Jamais importun, il n'était cependant jamais désœuvré. Toute ma tendresse tenait à les voir s'amuser énormément sans mon secours. Il semblait qu'il préparasse avec passion un spectacle, et j'y avais un emploi d'ardent admirateur. Je vivais dans un monde de leur invention. Ils n'avaient jamais besoin de recourir à la mienne. Je n'étais requise que pour représenter quelqu'un ou quelque chose de remarquable dans le jeu du moment, et grâce à ma situation supérieure et respectée, ce n'était jamais qu'une sinécure fort douce et extrêmement distinguée. J'ai oublié ce que j'étais ce jour-là. Je me rappelle seulement que c'était un personnage très important et très paisible, et que Flora jouait intensément. Nous étions au bord du lac, et comme nous avions récemment commencé l'étude de la géographie, le lac était la mer d'Azov. Tout à coup, au milieu de ces éléments divers, surgit en moi la conscience qu'un spectateur intéressé nous observait de l'autre côté de la mer d'Azov. La façon dont cette conception s'enracina en moi fut bien la chose la plus étrange du monde, la plus étrange, à l'exception toutefois de celle beaucoup plus étrange encore, en laquelle elle se mua bientôt. J'étais assise, un ouvrage quelconque dans les mains, car j'étais je ne sais plus quoi qui pouvait logiquement s'asseoir. J'étais assise sur le vieux banc de pierre d'où l'on contemplait le lac, et ainsi posée, je commençais à percevoir avec certitude, cependant sans vision directe, la présence assez lointaine d'une troisième personne. Les vieux arbres, les pétaillis, donnaient une ombre profonde et délicieuse, mais tout baigné dans l'éclat de l'heure chaude et tranquille. Rien ambigu en quoi que ce fût, dans tous les cas, rien dans la conviction qui se forma en moi, instantanément, sur ce que je verrais au-delà du lac si je levais les yeux. Ils étaient rivés à la couture qui m'occupait, et je sentais encore le spasme de mon effort pour les y maintenir jusqu'à ce que je me sentisse suffisamment calmé pour décider de ce que j'allais faire. Il y avait là un objet étrange, une figure dont je contestais le droit à être là, immédiatement et passionnément. Je me rappelle comment je m'énumérais tous les cas possibles, remarquant moi-même que, par exemple, rien n'était plus naturel que la présence en cet endroit d'un des deux hommes attachés à la propriété, ou même d'un messager, d'un facteur, du garçon, d'un fournisseur du village. Mais cette remarque fit aussi peu d'impression sur ma conviction présente, j'en étais certaine, sans en avoir encore levé les yeux, que sur le caractère et l'attitude de notre visiteur. Rien n'était plus naturel que ces choses fussent justement ce qu'elles n'étaient absolument pas. Pour que je m'assure de l'identité positive de l'apparition, il aurait fallu que l'heure de l'action eût sonné à la pauvre horloge de mon courage. En attendant, avec un effort qui me coûta déjà beaucoup, je transférai mon regard sur la petite Flora, qui à ce moment jouait à 10 mètres de moi. Un instant, mon cœur cessa de battre, de terreur et d'anxiété, tandis que je me demandais si elle aussi voyait quelque chose. Et je retenais mon souffle, attendant ce qu'un cri, ce qu'un signe naïf et subi, soit de surprise, soit d'alarme, allait me révéler. J'attendis, mais rien ne vint. Puis, il y a là, je le sens, quelque chose de plus sinistre que dans tout le reste. Je fus envahi tout d'abord par le sentiment que, depuis une minute, elle était tombée dans un silence absolu. J'observai ensuite que, depuis une minute également, elle avait, dans son jeu, tourné le dos à l'étang. Quand je me décidai enfin à lever les yeux sur elle, avec la conviction assurée que nous étions toujours, toutes deux, soumises à une observation directe et personnelle, voici quelle était exactement sa posture. Elle avait ramassé un petit bout de bois plat, percé d'un petit trou, qui lui avait évidemment suggéré l'idée d'y enfoncer un autre fragment en simulant un mât et pouvant ainsi lui servir de bateau. Ce second morceau, tandis que je l'observais, elle essayait avec un soin et une attention incroyables de le faire tenir en place. Quand j'eus vraiment compris ce qu'elle faisait, je me sentis soulagé au point que quelques secondes plus tard, je savais que je pouvais maintenant aller plus avant. Alors une fois de plus, mes yeux changèrent de direction. J'affrontai ce qu'il me fallait affronter. Chapitre 8. Aussitôt que je le pus, je sautai sur Mrs. Groves, et je ne pus rendre compte d'une manière intelligible de l'angoisse qui me déchira dans l'intervalle. Cependant, je m'entends encore lui crier en me jetant, pour ainsi dire, dans ses bras. « Ils savent, c'est monstrueux, ils savent, ils savent !»« Et que savent-ils, pour l'amour de Dieu ?» Tandis qu'elle m'étreignait, je la sentais incrédule. « Mais tout ce que nous savons, et Dieu sait de quoi plus !» Puis son étreinte se relâcha, et je commençai mon explication. Peut-être seulement alors m'expliquai-je les choses à moi-même avec une complète cohérence. Il y a 2 heures au jardin, à peine pouvais-je articuler, Flora a vu. Mrs. Groves reçut ceci comme elle aurait reçu un coup en pleine poitrine. « Elle vous l'a dit ? » murmura-t-elle, suffoquée. « Pas un mot, c'est cela qui en fait l'horreur. Elle a gardé cela pour elle. Un enfant de 8 ans, cet enfant !» Ma stupeur ne pouvait s'exprimer. Naturellement, l'ébahissement de Mrs. Groves ne faisait que grandir. « Mais alors, comment savez-vous ? » « J'étais là, j'ai vu de mes yeux, j'ai vu qu'elle se rendait parfaitement compte. »« Vous voulez dire de sa présence à lui ?»« Non, de sa présence à elle !» Je savais bien que mon expression, en parlant, révélait de prodigieux sous-entendus, car je les voyais se réfléchir lentement sur le visage de ma compagne. C'était une autre personne cette fois-ci, mais encore une figure aussi immanquablement vouée au mal et à l'horreur. Une femme en noir, pâle et effrayante, et avec une telle expression, un tel visage, de l'autre côté du lac, J'étais là avec la petite, bien tranquille pour le moment, et puis elle arriva. Elle arriva? Mais comment et d'où cela? De là d'où ils viennent. Elle apparut tout simplement et se tint debout, mais pas tout près. Et sans s'approcher? Oh, pour la sensation et l'effet produit, c'était comme si elle eût été aussi près que vous l'êtes. Mon amie, cédant à une impulsion singulière, recula d'un pas. Est-ce quelqu'un que vous n'avez jamais vu? Non, jamais, mais la petite, elle, la connaît, vous aussi, et pour lui prouver que j'avais réfléchi et abouti à une conclusion, c'est ma devancière, celle qui est morte. Miss Jessel? Miss Jessel, vous ne me croyez pas, insistai-je. Dans sa détresse, elle se tournait de droite et de gauche. Comment pouvez-vous en être sûr? Dans l'état où étaient mes nerfs, cette question provoqua chez moi un accès d'impatience. Eh bien, demandez à Flora, elle en est sûre, elle. Mais je n'avais pas plus tôt prononcé ces mots que je me repris vivement. Non, pour l'amour de Dieu, n'en faites rien, elle vous dirait que non, elle mentirait. Mrs. Grove n'avait pas assez perdu la tête pour ne pas protester. Oh, comment pouvez-vous? Parce que je suis franche, Flora ne désire pas que je sache. Elle ne le fait que pour vous épargner? Non, non, il y a des abîmes, plus j'y réfléchis, plus j'y vois de choses, et plus j'y vois de choses, plus elles me font frémir. Je ne puis dire ce que je n'y vois pas, ce que je ne redoute pas. Mrs. Grove tenta de me suivre. Vous voulez dire que vous craignez de la revoir? Oh non, cela maintenant, à mes yeux, n'est rien. Et j'expliquai. Non, ce n'est pas l'idée de la revoir qui me fait peur. Mais ma compagne demeurait toujours pâle. Je ne vous comprends pas. Ce que je crains, c'est que la petite soit capable de garder cela pour elle. Sûrement, c'est ce qu'elle fera, sans que j'en sache rien. Devant une telle hypothèse, Mrs. Grove, un instant, parut vaincue. Mais bientôt, elle se ressaisit comme poussée par la force positive de l'idée que si nous reculions d'un pas, où ne serions-nous pas entraînés? Voyons, voyons, il ne faut pas perdre la tête. Après tout, si cela lui est égal... Elle essaya même une plaisanterie sinistre. Peut-être que cela lui plaît-il? De telles choses, cela lui plaire à ce bout d'enfant? N'est-ce pas justement une preuve de son innocence bénie? Demanda bravement mon ami. Un instant, elle me gagna à son avis. Oui, il faut admettre cela, nous y cramponner. Si ce n'est pas là la preuve de ce que vous dites, c'est la preuve de Dieu sait quoi, car cette femme est la pire des horreurs. Mrs. Grove tint une minute ses yeux fixés à terre, puis le relevant enfin. Comment le savez-vous? Me dit-elle. Vous admettez donc qu'elle l'est? M'écriai-je. Dites-moi comment vous le savez, répéta-t-elle simplement. Comment je l'ai su? En la voyant, à sa façon d'être. À sa façon de vous regarder, vous voulez dire, si vicieusement? Ma foi non, cela j'aurais pu le supporter. Elle ne m'a pas jeté un coup d'œil. Elle fixait seulement la petite. Mrs. Grove essaya de se représenter la scène. Elle l'a fixée? Avec quels yeux effrayants! Elle me dévisageait comme si les miens eussent pu leur ressembler. Ses yeux exprimaient l'aversion, voulez-vous dire? Plus à Dieu, non, beaucoup pire. Pire que l'aversion? Elle n'y comprenait plus rien. Avec des yeux d'une détermination incroyable, indescriptible, qui exprimaient une sorte d'intention furieuse. Cela la fit pâlir. Comme une intention? Une intention de s'emparer d'elle. Les yeux de Mrs. Grove rencontrèrent les miens un instant. Elle frissonna et marcha vers la fenêtre. Et tandis qu'elle s'y tenait, regardant au dehors, je terminai mon récit. Voilà ce que c'est, Flora. Peu après, elle se retourna. Cette personne était en noir, m'avez-vous dit? Elle était en deuil assez pauvre, presque râpée, mais oui, vraiment, une beauté extraordinaire. Je comprenais maintenant où, pas à pas, j'avais amené la victime de ma confidence. Car visiblement, ces derniers mots la frappèrent particulièrement. « Oui, vraiment belle, insistai-je, étonnamment belle, mais infâme. » Elle s'approcha lentement de moi. Miss Jessel était infâme. De nouveau, elle prit ma main entre les siennes, la tenant serrée comme pour me fortifier contre l'accroissement de frayeur qu'une telle révélation pouvait me causer. Ils étaient infâmes tous deux, dit-elle finalement. Une fois de plus, nous regardâmes la vérité en face, un peu de temps, et ce me fut vraiment un secours de voir maintenant les choses sous leur véritable jour. J'apprécie à sa valeur, lui dis-je, l'extrême pudeur qui, jusqu'ici, vous a empêché de parler, mais l'heure est certainement venue de me révéler tout. Elle sembla acquiescer à mes paroles, mais néanmoins toujours en silence. Ce que voyant, je continuai. « Il faut me le dire maintenant. De quoi est-elle morte? Allons, il y avait quelque chose entre eux. » « Il y avait tout. » « En dépit de la différence ?»« De leur classe, oui, de leur condition. Elle en faisait douloureusement l'aveu. Elle était, elle, une dame. » Je rêvai là-dessus et je compris. « Oui, repris-je, elle était une dame. » Et lui tellement en dessous d'elle, dit Mrs. Groves. Je sentis qu'il était inutile, en pareille compagnie, d'insister sur la place qu'occupe un domestique dans l'échelle sociale, mais rien ne m'empêchait d'accepter le taux auquel ma compagne évaluait la déchéance de Miss Jessel. Il y avait la manière, et je lus d'autant plus aisément que j'avais nettement devant les yeux la vision trop réelle du valet particulier qui avait été au service de notre patron. Intelligent, oui, et beau garçon, mais aussi impudent, plein d'assurance, gâté, dépravé. Cet individu était une brute. Mrs. Groves réfléchit comme si c'était un peu une affaire de nuance. Je n'ai jamais vu personne comme lui. Il faisait ce qu'il voulait. D'elle? De tous. C'était maintenant comme si Miss Jessel eût apparu aux yeux même de mon amie. À moi aussi, pour un instant, elle parut aussi distincte que lorsque je l'avais vue auprès de l'étang, et je déclarai avec une grande décision. C'était sans doute qu'elle le désirait aussi. Le visage de Mrs. Groves signifiait qu'elle l'avait désiré, sans doute, mais elle ajouta. « Pauvre femme, elle l'a bien payée. »« Alors vous savez de quoi elle est morte ?» demandai-je. « Non, je ne sais rien. Je désirais ne rien savoir. » J'étais bien contente de n'avoir rien su, et je remercie le ciel qu'elle fût hors d'ici. Cependant, vous aviez alors votre idée. Quant à la vraie cause de son départ, pour cela, oui, elle ne pouvait pas rester. Pensez donc, une institutrice ici même. Plus tard, je m'imagine encore, et ce que je m'imagine est affreux. Pas si affreux ce que j'imagine, moi, répliquai-je. Et sans doute, je lui laissais voir, car ma conviction n'était que trop profonde, une physionomie empreinte du sentiment de la plus amère défaite. Alors encore une fois, elle me témoigna la plus touchante compassion, et à cette nouvelle démonstration de bonté, toute ma force de résistance m'abandonna. Je fondis en larmes, tout de même que je l'avais fait fondre, elle, l'autre fois. Elle me serra sur son sein maternel, et mes plaintes débordèrent. « Je n'y arrive pas, » sanglotai-je désespérément. « Je ne les sauve pas, je ne les protège pas, c'est pire que tout ce que j'avais pu rêver, ils sont perdus !»